السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا عباد الله espérons inshallah que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de coupure, bien qu'il se peut que de temps à autre, une coupure de quelques secondes puisse venir durant l'enregistrement. Ce qui est normal, car à cette heure-là, le réseau des femmes chez moi. Non. Fasanabda biznillah ta'ala. Donc, dans la khutba de Hajja, nous avons dit Fa'inna khayr al-hadith kitabullah, que la meilleure des paroles est la parole d'Allah azawajal. Non. Liana kalam rabbina subhanahu wa ta'ala, c'est la parole de notre Seigneur. Qui est incréé, qui est parfaite. Wa an Zayd ibn Arqam radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu ba'di. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais certes laisser une chose en vous qui, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Wa qala minhuma kitabullahi Hablun mamdoudun min as-samaa'i ila al-ard. Il a dit le livre d'Allah qui est comme une forme de lien qui est étendu entre les cieux et la terre. Apporté par At-Tirmidhi. On voit beaucoup de musulmans qui parlent énormément mais n'aboutissent à rien, qui cherchent beaucoup mais ne trouvent pas grand-chose, qui donnent de fausses solutions donc leurs problèmes persistent et se font beaucoup d'illusions. Tout cela à la manière de l'assoiffé qui se retrouve face à la mer, qui pense pouvoir s'y désaltérer, la première gorgée ne fera qu'empirer sa soif. Frustré de voir toute cette eau, mais qui ne sert à rien du tout. La faïdata fihla. Voilà un peu à quoi ressemble une bonne partie de la Ummah en ce jour. Et la principale cause de ces troubles, c'est-à-dire les troubles qu'elle vit, de ces fitan, wa ibti'aduha an kitabillahi azza wa jal. Et son éloignement du livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah subhanahu wa qala al-rasul ya rabbi innakum ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Dans le sens où Allah a dit, et que le messager a dit, ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris, ou plutôt a délaissé ce Qur'an. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala a dit, en tafsir de ce verset, ya'ni matrukan fa'aradu anhu wa lam yu'minu bih wa lam ya'malu bima fihi. Qu'il a dit en fait, ce livre ils l'ont délaissé, ils s'en sont détournés, et ils n'y ont pas cru. Ça concernait Quraysh à l'époque. Et qu'ils n'ont pas appliqué. Naam. Donc, il est délaissé dans sa lecture, dans sa méditation, ce qui aboutira à sa non-application. Car comment appliquer ce qu'on ne comprend pas, et comment comprendre et assimiler ce que l'on n'étudie pas, et comment étudier ce qu'on ne lit pas, et comment étudier ce que l'on ne lit pas. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Voici un kitab que nous avons fait descendre, Mubarak, afin qu'il médite ses versets et que se rappellent les dotés d'intelligence. Combien voit-on avoir des masahif, des mushaf de grand format chez eux, posés sur un support sur le buffet, de la salle à manger, constamment ouvert à la même page, ou de temps à autre, ça change, à Kaza, qui font office de décoration et de bibelot. On le dépoussière de temps en temps. Hein, un gros mosaf qu'on achète en souvenir de voyage lors du Hajj ou Fibelet Kaza Wakaza. Ou alors on peut voir également des cadres accrochés au mur avec des grands versets inscrits avec de belles calligraphies pour embellir également. Ou alors le mushaf posé sur le tableau de bord, sous le pare-brise de la voiture. Ou pire encore, ceux qui le portent en pendentif autour du cou. Pourtant, ce livre n'est pas descendu pour ça. Abadan. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayk litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil aziz al-hamid. Donc c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que tu sortes les gens des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du puissant et du loué, c'est-à-dire le chemin d'Allah azza wa jalla. Tabarak alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tabaraka, celui qui avait descendu le Furqan, et le Furqan c'est parmi les noms du Coran, qui veut dire le discernement, qu'il a fait descendre sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Et ouvrir ce livre et le lire est devenu comme un supplice pour beaucoup de gens. Ou comme si cela n'allait rien leur apporter ou leur gâcher la vie, leur gâcher leur existence, et leur faire perdre ce qui s'imagine être des privilèges. Yaqulu Azza wa Jal, Kitabun anzalna ilayk. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi, donc il n'y ait pas de gêne en toi par rapport à lui, afin que tu puisses avertir et qu'il soit un rappel pour les croyants. يقول الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. طه, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi afin que tu sois triste, mais juste un rappel pour ceux qui craignent. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Une descente venant de celui qui a créé la terre et les cieux, il est plus haut, hein, le Rahman, qui est au-dessus de son trône. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Et voici un livre que nous avons fait descendre qui est mubarak, donc suivez-le et craignez. Il se peut que, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Donc, Rabbuna Subhana, il nous indique et nous guide et nous dirige à travers ce livre, qui est une guidée pour les pieux. Alif Lam Mim, Zalik al-Kitab, la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Voici donc un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et qui est une guidée pour les pieux. Et cette révélation, avant qu'elle ne descende, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait toutes ces choses-là. Wa wajadaka dhalan fahada, et il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Comme Allah Ta'ala, mais l'égarement, quel était-il? Ce n'est pas un égarement du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur le faux ou quoi, c'est qu'il ne connaissait pas toutes les choses qui étaient relatives à la législation. Yaqulu subhana wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِمَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا. Et c'est de la sorte que nous avons fait descendre sur toi le souffle de notre ordre. Et tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de ces versets, ce ruh, dans le verset cité, c'est Al-Qur'an. C'est le Coran. Et dans sa parole, Makunta tadri mal kitab ou l'al-iman, c'est-à-dire que tu ne connaissais pas tous les détails qui t'ont été rendus légiférés à travers le Coran auparavant. Et la première chose qui fut révélée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le premier ordre qu'il reçut, c'est quoi? Ikra, lis. Comme dans le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, à l'époque de Khadija, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu la révélation, il aimait aller s'isoler dans la caverne de Hira, s'y adonner à l'adoration. Jusqu'à un jour où قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ما انا بقاري قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. Il a dit, alors qu'il était encore dans la caverne, que l'ange est venu. Il s'agissait de Jibril, alayhi salam. Il lui a dit, Ikra, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Donc, il dit qu'il m'a attrapé, il m'a serré fort. D'accord? Puis il m'a relâché. Faqare Ikra, Kultuma nabikari, Farazani faratani, Asaniya, Hatta balaramini al-jahd, Sumar salani. Puis, une deuxième fois, il recommença. Il lui dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Donc, de là, il a serré, il a attrapé, puis il a relâché. ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقاري فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Donc de là, une troisième fois, il lui a dit « lis ». Il a dit « je ne sais pas lire ». Il l'a attrapé, il l'a serré très fort, puis l'a relâché. Et de là, il a récité les cinq premiers versets de sourate Al-Alaq. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le plus noble, celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ce fut les cinq premiers versets révélés par lesquels il reçut la prophétie. Qui était Ikra, li. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah inna Allaha kana latifan khabira. Et rappelez-vous ce qui est resté dans vos maisons comme verset d'Allah et comme sagesse, c'est-à-dire la sunnah. Et certes, Allah est doux et parfaitement informé. À l'échelle humaine, lorsque nous voulons un objet, مثلاً, qu'on a acheté, un appareil assez sophistiqué, dont la manipulation n'est connue que du fabricant, tant elle est complexe, les gens se réfèrent fidèlement à la notice, aussitôt, de cet objet, pour ne pas l'abîmer ou pour pouvoir s'en servir de la façon la plus optimale. D'ailleurs, même à l'ouverture de l'emballage, dans le carton, la première chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a une notice. Est-ce qu'il y a une notice ou pas? Des fois, on est même prêt à rendre le produit si on ne la trouve pas. Ou on peut se mettre en colère. Ou alors, pire, si la notice, elle est présente, elle n'est pas dans la langue qu'on comprend. On ne comprend rien, c'est écrit en japonais, c'est écrit en chinois, c'est écrit en je ne sais quelle langue, en anglais, qu'on ne parle pas l'anglais. Alors, là il s'agit de notre... Que dire quand il s'agit de notre vie, en cette dunya, notre dîn, l'au-delà, al-janna, wa-nar? Car ce Coran est venu pour tout nous expliquer, avec en complément la sunna bien sûr. Comment pouvoir gérer notre vie et pouvoir réussir? Tout a été cité. Ma faratna fil kitab min shay, thumma li rabbihim yuhsharun. Que nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés. Voilà quand des jinnahum bikitabin fassalnahu ala ilm, hudam wa rahmatan liqawmin yu'minun. Certes, nous sommes venus avec un livre que nous avons détaillé avec science, et cela par miséricorde, et par guidé pour un peuple qui croit. As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit par rapport à ce verset, que, yani bayanan fihi jami' al-matalib allati yahtaju ilayha al-khalq, pour montrer toutes les choses dont la créature a besoin, c'est-à-dire l'homme. Ala ilmin, avec science, c'est-à-dire min Allah bi ahwal al-ibad fi kulli zaman wa makan, c'est-à-dire que Allah informe des situations des serviteurs en tout lieu et en toute époque. Wa ma yaslah lahum wa ma la yaslah, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Laisa tafsiluhu tafsil ghayr alim bil umur fatajhalu ba'd al-ahwal fa yahkum hukman ghayr munasib bal tafsil min aw man ahada ilmuhu kull bi kulli shay'in wa wasa'at rahmatuhu kulli shay'in. Il a dit, en fait, c'est un détail venant de quelqu'un qui connaît tout. Ce n'est pas certaines situations lui échappent ou qu'il vient avec un jugement qui n'est pas approprié. Non, ça vient c'est le détail de celui, du créateur, dont la science enseigne toute chose et dont la miséricorde englobe toute chose. Hudam wa rahmatan liqawmi yu'minun. Il a dit une guidée par miséricorde pour un peuple qui croit. C'est-à-dire أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل. C'est-à-dire pour le croyant par ce livre se distingue la guidée de l'égarement et le vrai du faux ou le ghay wa rujd ou la droiture et ce qui est en soi qui n'est pas droit. ويحصل أيضا لهم الرحمة également la miséricorde ويل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة فينطفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. Donc ils trouvent le bien et le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Et de là, se voient guidés et, alhamdoulilah, épargnés du malheur, de la tristesse. Et quand on dit la tristesse, c'est la tristesse celle qui est continue. Sans quoi le muslim a la tristesse. Bien évidemment, c'est un être humain. Mais dans le sens où sa vie, il sait où il va, il sait qui il est, et il sait ce qu'il doit faire. Donc il a le cœur apaisé par rapport à cela. Yaqulu azza wa jal, يَا أَيُّوَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Oh vous les hommes, vous êtes déjà venu de la part de votre Seigneur une exhortation et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidée et une rahma pour les croyants. L'imam al-Sa'di toujours, rahmallahu ta'ala, il dit à propos de ces versets, يَقُولُ تَعَالَى مُرَغِبًا لِلْخَلْقِ في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد. Donc Allah عز وجل fait en sorte de motiver l'homme pour se consacrer à ce livre en lui citant ses bonnes caractéristiques qui lui sont indispensables. فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تعيذكم وتنذركم من الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه وتحذركم عنها ببيان أثارها ومفاسدها. C'est-à-dire qu'un livre qui vient pour vous montrer et vous rappeler et vous démontrer quelles sont les œuvres qui vous causeraient la colère de votre Seigneur, celles qui vous feraient subir le châtiment, et vous met en garde contre cela de façon claire. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, c'est-à-dire وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنْ أَمْرَضِ الشَّهَوَاتِ السَّادَّةِ عَنِ الْإِنْقِيَادِ لِلشَّرْعِ وَأَمْرَضِ الشُّبُهَاتِ الْقَادِحَةِ فِي الْعِلْمِ الْيَقِينِ, c'est-à-dire pour vous guérir les poitrines des maladies liées au plaisir qui elles empêchent de se soumettre à la législation, ainsi que les maladies des ambiguïtés, celles qui empêchent d'avoir la science claire. نعم ويقول بعد ذلك فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرهبة والرهبة, que ce livre contient comme exhortation et comme menace et comme promesse ce qui devrait justement motiver le croyant et l'effrayer du mal. فإذا وجدت فيه رهبة في الخير ورهبة من الشر و نامتن على التكرار ما يرد إليها من معاني القرآن أو جب ذلك تقديم مراد الله أم تقديم مراد الله على مراد النفس وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوات نفسه. C'est-à-dire qu'une fois que le serviteur aura goûté cela et aura également trouvé l'essence du Coran, cela fera en sorte qu'il fera devancer la volonté d'Allah sur sa propre volonté à lui, et qu'il se mettra à agréer ce que Allah l'aime pour lui. Si une chose il veut la faire, et que Allah ne veut pas qu'il la fasse, il la délaissera. Il fera devancer, prédominer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ مَا فِيهِ مِنَ الْبَرَاهِنِ وَالْأَدِلَّةِ الَّتِي صَرَّفَهُ اللَّهُ غَيَةِ التَّصْرِيفِ. Également toutes les preuves qu'Allah il a données comme indication, de façon claire. وَبَيَّنَهَا أَحْسَنَ بَيَّنَ مِمَّا يُزِيلُ الشُّبَهَ الْقَادِحَ فِي الْحَقِّ وَيَسِيلُ بِهِ الْقَلْبُ إِلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْيَقِينِ, par laquelle Allah Azza wa Jal justement guérit les cœurs, il enlève toutes les choubouhettes qui elles atténuent la vérité et permet de pouvoir atteindre les degrés de la certitude. Wa iza saha al-qalb min maradihi wa rufila bi athwab al-afiyah tabi'athu al-jawarih kulluha fa inna tasihu bi salahihi wa tafsiru bi fasadihi. Et si jamais justement le cœur se voit guérir de ses maladies et qu'il se voit revêtir le vêtement de la prémunité, si on peut dire comme ça, de la protection, alors les membres suivront également. D'accord ? Les membres suivront ce que le cœur, justement, ressentira. فَالْهُدَى وَالْعِلْمِ بِالْحَقِّ وَالْعَمَلَ بِهِ. Donc la guidée, c'est quoi ? C'est la science de la vérité et également les actes qui vont avec. وَالرَّحْمَ وَيَّمَا يَحْصُلُ مِنَ الْخَيْرِ وَالْإِنْسَانِ وَالثَّوَابِ وَالْإِحْسَانِ وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ لِمَنْ اِحْتَدَى بِهِ. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. Et c'est quoi la miséricorde dans ce livre qui est cité dans le verset? Et c'est par laquelle on trouve le bien et la bienfaisance. Et également la récompense, celle qui sera imminente et celle qui sera par la suite dans l'au-delà, pour celui qui aurait été guidé par ce Coran. Donc la guider, c'est le meilleur des moyens. Et la rahma, c'est la plus grande des motivations, le plus grand des intérêts. وَلَكِنْ لَيَحْتَدِي بِهِ وَلَا يَكُنُ رَحْمَةً إِلَّا فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ. Cependant, le seul qui sera guidé par cela et qui trouvera une miséricorde, c'est le croyant. وَإِذَا حَصَلَ الْهُدَى وَحَلَّتْ الرَّحْمَةُ النَّاشِيَ عَنْهُ حَصَلَتِ السَّعَادَةُ وَالْفَلَاحُ وَالرِّبْحُ وَالنَّجَاحُ وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ. Et si jamais justement la guidée est trouvée et que la miséricorde elle-même elle en découle, on dira comme cela, alors on trouvera le bonheur et la jouissance, ainsi que le bénéfice, le gain et la réussite. Et à Kaza. Donc de là, ça s'arrête les paroles de l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, par rapport à ce verset. Et on dit, et seule l'ignorance, ainsi que shaitan, ou des maladies du cœur, peuvent empêcher un musulman à ne pas s'accoutumer à consacrer une partie de son temps quotidien à lire le Coran. Ne serait-ce qu'une page, ou bien deux. Et plus tu liras, et mieux cela sera. Le Coran est délaissé des semaines durant, des mois durant. Certains, parmi les meilleurs, ne l'ouvrent que le Jumu'ah. D'autres ne l'ouvrent même pas toute l'année, juste si ce n'est pendant Ramadan. Juste à Ramadan de Ramadan. Et encore, sa lecture, elle est pénible, elle est lourde. Et pourtant, on les voit se consacrer à des choses futiles, au minimum permises, au minimum sont permises, dont ils sont presque devenus dépendants. Certains le disent eux-mêmes, si je ne fais pas de sport, si je ne fais pas de sport, parce tant de sport par semaine, je ne me sens pas bien. Alors que c'est quoi le sport? Ce n'est qu'une chose qui est au minimum permise, et qui dans la plupart des cas, wallah, le haq yuqal, ça devient makruh, qu'elle rentre dans la futilité et parvient au stade du haram, lorsque les limites sont dépassées. Ils te disent, j'ai besoin d'entretenir mon corps, et de garder la forme. Mais ton cœur, qui lui dirige ton corps, n'est-il pas plus en droit d'être entretenu? Ou d'autres alors qui passent je ne sais combien de temps avec leur téléphone, ou devant l'écran de la télé, ou autre. Tu lui retires son portable ou sa télé, wallah, c'est comme si tu lui avais amputé un membre ou un organe. Tu le prives des réseaux sociaux, c'est comme s'il subissait une peine de prison. C'est pour eux, c'est une punition, c'est une sentence. Or, on lit sur ces réseaux sociaux, justement, ce que beaucoup disent, ou nous rapportent certaines paroles. Quand ils s'expriment dans certains sujets, tu ne te diras, tu n'as jamais fait un mouchoum devant toi comment ils parlent. Tu ne ressens aucun, il y a un souffle de djinn dans les paroles. Des fois, tu donnes à des gens des versets évidents sur des sujets, et ils rétorquent, oui, mais, ou il faut vivre avec son temps, ou il faut être cultivé, ou il faut comprendre les gens, ou il faut. Que des jidal. On dit oui, il faut, mais surtout il faut ouvrir le mushaf et le lire. C'est aussi une des causes qui a permis aux amis d'Allah et à ceux de l'islam de se permettre de faire ce qu'ils font actuellement en France avec leurs lois nouvelles là qu'ils font. Et que des gens d'Unifac aillent à planter leurs graines. Pourquoi? Car les gens ont délaissé le Coran. Car celui qui aura pas à consacrer le Coran avec la parole d'Allah, il ne se fait pas avoir, biznillah. Combien de gens se plaignent de sentir mal, de ressentir un mal-être? Il dit, j'en ai marre de tout, je ne comprends pas, et kaza, et kaza, et kaza. Jaha, an al-Qasim ibn Abdurrahman, an abihi, an abdillah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتك بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استرسلت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله إلا أذهب الله همه أو همه وحزنه وأبدله مكانه فرحه. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas une personne qui trouve des soucis ou un mal, sans qu'ils me disent, ô Allah, je suis ton serviteur, fils ton serviteur et de ta servante, dans le sens où tu me contrôles, dont le jugement, ton jugement s'applique sur moi, et avec justice, je te demande, par tout nom qui est le tien, par lequel tu t'es nommé toi-même, ou alors que tu as enseigné à quiconque de ta création, c'est-à-dire parmi les hommes, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as gardé auprès de toi dans, avec le sens de l'invisible, que tu fasses que le Coran soit le printemps de mon cœur, et la lumière de ma poitrine, et l'apaisement de ma tristesse, et qu'il soit qu'il fasse cesser mes soucis et mes tourments. Et s'il dit cela, il dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que Allah lui fera partir tout ce qu'il ressent comme mal en lui. Et le changera pas de la joie. Bi'izni, subhanahu wa ta'ala. Mais le dire comment? Le dire avec science, le dire avec ikhlas, et le dire avec sérieux. Bien évidemment. Yaqulu subhana, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru dont les cœurs sont apaisés à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que le cœur s'apaise? Yaqul l'imam al-Sa'adi, rahimahullah ta'ala, après avoir dit différentes affaires par rapport au verset, yaqul, wa qila innal muradu bi dhikrillah kitabuhu alladhi anzalahu dhikran lil mu'minin. Donc il a dit l'évocation d'Allah, à ce moment-là, pour ce verset, c'est quoi? C'est le Coran, c'est son livre. Fa'ala hadha ma'na. Donc, sur ce sens, l'apaisement des cœurs, c'est pas le rappel d'Allah. Anna hina تعرف معاني القرآن وأحكامه تتمين إليها أو تتمين لها. Lorsque le justement l'essence du Coran soit compris ainsi que ses règles, alors les âmes s'y apaisent. فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين وبذلك تتمين القلوب. فإنها لا تتمين القلوب إلا باليقين والعلم. Donc il a dit par cela, avec cette vérité qui est claire, avec les preuves qui sont évidentes, s'apaise les cœurs. Car les cœurs ne peuvent s'apaiser que par, avec la certitude, avec le ilm, avec la science. وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ Et cela est présent dans le livre d'Allah. Et cela est présent dans le livre d'Allah. مَدْمُونَ عَلَى أَتَمِ الْوُجُوحِ وَأَكْمَلِهَا Cela est présent de la façon la plus complète, la plus parfaite. أَمَّا مَا سِوَاهُ مِنِ الْكُتُبَ الَّتِي لَا تُرْجَعَ إِلَيْهِ فَلَا تَتْمَئِنْ بِهَا بَلْ لَا تَزَلُ قَلْقَلَهُ مِنْ تَعَارِضِ الْأَدِلَّةِ وَتَضَادِ الْأَحْكَامِ Quant aux autres livres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à la parole d'Allah Azzawajal, ils ne font que ajouter encore du tourment et de l'inquiétude pour ce qu'on y trouve comme contradiction et comme opposition aux règles. Non. Quoi que tu lises comme livre en dehors du Coran ou qu'il ne revient pas au Coran, tu ne trouveras pas satisfaction. Cela ne te guérira pas. Donc de là, on peut en déduire que toutes les fois où on rencontre Zikrullah dans le Coran, cela implique également le livre d'Allah, le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il aura certes une vie étroite et dure. عَنْ ذِكْرِي هُنَا C'est le rappel d'Allah, son livre, ses règles, et tout ce qui s'ensuit. Et ce verset est valable pour le kafir, également pour le moumine qui est inattentif. Et on le voit. هذا حاصل. Donc il faut lire le Coran. Mais le lire concrètement, de façon légiférée, non pas comme ceux qui le lisent en chœur, tous ensemble, du même voix, ou organisent des cercles de récitation, de manière innovée comme les soufis et autres. Et ceux dont la récitation ressemble plus à de la chorale ou de la chanson, interdite. Quand ils récitent le Coran, on dirait un chanteur. C'est de la symphonie, ce n'est même plus du tajwid. Leur récitation, ces gens-là, ne dépasse pas le bout de leurs lèvres, car ils n'appliquent pas le sens voulu. Yaqulu subhana. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ceux à qui nous avons fait parvenir le livre et qui le récitent de façon correcte, ceux-là ils y croient. Ibn Mas'ud رضي الله عنه par rapport à ce verset, il a dit quoi? يقرؤونه كما أنزل لا يحرفونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. C'est-à-dire ceux qui le lisent comme il était descendu, qui ne changent pas son sens, qui rendent le halal halal, qui rendent le haram haram. Donc ça revient également à l'application. وقال الحسن البصري par rapport à ce verset, يعملون بحكمه أو بمحكمه ويؤمنون بمشابه متشابه ويكلون علم ما أشكل عليه إلى عالمه. C'est-à-dire qu'ils croient en ces versets effectifs et qu'ils croient aux versets équivoques. Cependant, ce qui leur pose problème, ils le ramènent à celui qui connaît, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ou les ulama. Ils ne font pas des ambiguïtés. وقال المجاهد par rapport à ce verset également, يتبعونه حق اتباعه qui le suivent de façon fidèle, de façon concrète. Naam. Ou, également, il y a des gens qui pensent que leur marque d'amour pour le Mushaf, c'est de l'embrasser et de le faire toucher sur le front après l'avoir lu. Et pourtant, ils passent la majeure partie de leur temps à transgresser son contenu. Wali'azu billah. Celui qui lit le Coran puis le contredit sciemment, ceux-là sont exposés à une dure menace. Comme ce fut le cas de qui? Des Bani Israël. Ou iz akhazna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Et lorsque Allah dit à Bani Israël, et lorsque nous avons pris votre engagement et nous avons mis au-dessus de vous le mont Tour, une montagne qui a été élevée sur leur tête pour les forcer, comme Allah Ta'ala, et prenez dans le sens ce que nous avons donné avec force. Et écoutez. Et ils ont dit, nous avons écouté et nous avons désobéi. Et ils furent envahis de passion par l'amour du veau d'or, par leur mécréance. Et Allah dit alors, quelle mauvaise chose que vous ordonne votre foi, si même vous êtes croyants. C'est-à-dire que Allah leur a dit de prendre le livre avec force, et eux, ils ont dit, nous l'avons entendu, mais pourtant nous avons désobéi. Le contenu du livre doit être pris avec force et détermination. Ya Yahya, Qu'on le quitte avec beaucoup, ou Yahya prend le livre avec force. Donc, Allah subhanahu وكتبنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. Il a dit quoi Allah Azza wa Jal à Moussa? Nous avons écrit toutes choses sur les tablettes et toute exhortation et tout détail. Prends donc ces tablettes avec force et ordonne à ton peuple de les prendre de la meilleure façon. C'est-à-dire les Bani Israël. Et prenez ce que nous avons donné avec force et rappelez-vous ce contenu afin que vous puissiez craindre. Donc il nous faut réaliser que le Coran est la parole d'Allah. Elle est incréée. Celle-ci est parfaite. C'est notre Seigneur qui s'adresse à nous. Le simple fait de lire sa parole avec irtiseb, c'est-à-dire en recherche de la récompense, cela nous apporte au minimum du ajr. Même si les non-arabophones, par exemple, ne comprennent pas. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an ibn Mas'ud, « Man qara'a harfan min kitab illah, falaw hasana, wal hasana bi ashr amsaliha. » لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit une lettre du Coran, du livre d'Allah azza wa jal, il a une hasana et chaque hasana est décuplée par 10. Et il a dit, je ne dis pas que ألف لام ميم c'est une lettre, non, je dis que ألف est une lettre, que لام est une lettre et que ميم est une lettre. C'est-à-dire que quand tu dis ألف لام ميم, tu as 30 hasanettes. Wallahu akbar. Même si tu as du mal à prononcer à cause de la ujma, c'est-à-dire le fait que tu ne sois pas un arabe, car c'est dur pour les non-arabes de prononcer des lettres. Rien que tes actes sincères, rien de tes actes sincères ne seront rendus vains ou perdus. Au contraire, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam an Aisha radhiyallahu anha, alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahir bihi ma as-safara al-kiram al-barara والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق لو أجرا. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit le Coran et pour qui cela est facile, alors lui il est avec les nobles anges. Quant à celui qui lit, qui a du mal à prononcer, alors lui il a deux fois la récompense. Deux fois la récompense. Donc tout le monde trouve son compte. Celui qui est expérimenté, celui qui a du mal. Bien sûr, ça demande de faire l'effort d'apprendre, au minimum, de pouvoir lire l'arabe. Il faut apprendre à décrypter la langue arabe pour pouvoir lire le Coran. Et franchement, ce n'est pas dur. Voilà, ce n'est pas dur. Cela est nettement plus facile et bénéfique que bien des choses qu'on apprend pour la dunya et qui souvent ne nous rapportent rien, voire même qui nous nuisent. Et c'est ça la religion. Et des efforts à fournir. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui combattent sur nos sentiers, nous allons certes les guider. D'accord ? Et Allah est avec les bienfaisants. Donc le mot djihad n'est pas que pour le combat avec les armes, mais c'est tout effort que l'on fournit pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le ilm, dans la ibadah, tout cela rentre dans le mot djihad. Le jannah, il a un prix. Et malgré cela, azza wa jal, il a rendu facile à qui fait les premiers pas. Car même dans la traduction des sens, Allah a permis de pouvoir rendre les choses essentielles, faciles à comprendre et à la portée de tous. C'est-à-dire ce qui est du Coran qui est traduit, ce qui est le plus important à connaître, cela est compréhensible. Même en lisant. Mais toi, tu fais quoi? Tu essaies de lire un verset en arabe et tu regardes l'équivalent en français. Et ainsi de suite. Hein, t'as un jour, t'as la niyad, t'as le âge d'avoir lu, de connaître les huruf, et t'as le âge de chercher à comprendre le sens. Et également, par la suite, pour appliquer. Alors quand yassarna al-Qur'an les zikr fahel bin muddakir, nous avons certes rendu le Qur'an facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et c'est pour que tu arrives à comprendre, justement, de te pousser à fournir encore plus d'efforts pour être en mesure de comprendre le reste. À l'exemple de quelqu'un perdu dans une nuit sombre et glaciale, dans une forêt inhabitée, il voit un refuge éclairé au loin par la lueur de ses fenêtres. Ce qui l'attire et lui indique la route pour rejoindre cet abri. Et, arrive devant l'abri, il trouve une porte entrouverte, mais qui ne peut s'ouvrir si c'est en forçant. Il faut y aller pour ouvrir la porte. Penses-tu qu'une fois qu'il est arrivé au seuil de cette porte, après avoir parcouru une longue distance dans le froid, il va abandonner sa tentative de rentrer dans ce logis, sous prétexte que la porte elle est bloquée, et passer la nuit dehors. Bien sûr qu'il va tout faire pour rentrer. Il va essayer, tout ce chemin qu'il a fait, il va arrêter maintenant devant la porte. Non. C'est là qu'il va encore faire plus d'efforts pour pouvoir s'abriter du froid. Donc, il doit en être de même, voire plus encore avec le Coran pour celui qui fait des efforts pour pouvoir le comprendre. An Abim Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل تمرة لا ريح لها وطعمها حلو وطعمها حلوون. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que l'exemple du croyant qui lit le Coran, c'est comme El Utrudja. Utrudja, c'est ce qu'on appelle Cédra. C'est un espèce de fruit qui, parmi les agrumes, qui ressemble un peu du citron ou de l'orange entre les deux. Son odeur est très bonne et son goût également. Et l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran, il est comme la date. Elle n'a pas d'odeur, mais elle a un très bon goût. Donc la différence, elle est évidente. Mais que tout croyant est sur le khayr à la base. Donc celui qui lit le Coran, ses efforts seront sur lui, apparaîtront, et également, c'est-à-dire cela aura un effet sur lui intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَرُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْأَرَيْحَانَ رِيحُهَا طَيِّبْ وَتَعْمُهَا مُرٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَرُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْحَنْظَرَ ليس لها ريح وطعمها مر. L'exemple du munafiq qui lit le Coran, c'est comme celui du basilic, dont l'odeur est très bonne, mais son goût est amer. Et l'exemple du munafiq qui ne lit pas le Coran, il est comme ce qu'on appelle, j'ai trouvé le mot de Hanzara, c'est coloquinte. C'est comme une espèce de courge. D'accord ? C'est un fruit, ou plutôt un légume, qui n'a pas d'odeur et qui est très amer. Donc même le munafiq qui lit le Coran, il arrive à en trouver une vertu comparé à celui qui ne lit pas. Bien que cela sera contre lui. Le Coran, c'est un argument pour toi contre toi. Ce livre était nommé le Furqan, le discernement. C'est-à-dire le discernement entre le vrai et le faux. Tabaraka allazi nazala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Tabaraka celui qui a fait descendre le Furqan, le discernement, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Mais aussi une distinction entre les gens du bien et les autres, les gens élevés et les gens avilis. Ali ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah par ce livre va élever des gens et va par ce même livre rabaisser d'autres. Rapporté par Muslim. Sont élevés ceux qui le lisent et l'appliquent contrairement aux autres. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour qui ? Pour les croyants. Et il ne fait que rajouter encore plus de peur aux injustes. Regarde les gens du verre. Quand tu veux un verset, yastaqim, il se met droit, il croit, il écoute. Quand tu as celui qui est mauvais, tu veux un verset, il s'égare encore plus, il s'énerve et il se comporte mal. Et comment délaisser ce Coran dont Allah dit à son sujet ? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu, cette montagne se ramollir par l'humilité d'Allah Azza wa Jal. La montagne, ce qui est de plus dur, de créature de plus dur sur le sol terrestre. Et pourtant, par crainte d'Allah, tu la verrais s'affaisser. Ça fait c'est. Et c'est un exemple qu'Allah donne aux gens qui y réfléchissent. Ce Coran a même eu un effet sur les djinns dès leur première écoute. Quand Allah subhanahu qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi li rujd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu le Coran et ils ont dit, nous avons certes entendu un livre étonnant qui guide vers la droiture, et nous y avons cru, et nous n'associerons rien à notre Seigneur. Et dans un autre verset, c'est même dit, qu'Allah Ta'ala, قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. Lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont dit, ô notre peuple, parlant aux djinns, nous avons entendu un livre qui est descendu après Moussa, c'est-à-dire après la Torah, qui confirme ce qui l'a précédé, et qui guide vers la vérité et vers un chemin droit. Naam. Celui qui apprend le Coran et l'enseigne est le meilleur des gens. An Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur entre vous, celui qui aura appris le Coran et qui l'aura enseigné, Rawahu al-Bukhari. Les savants clairement dit que la chose la plus noble des akram al-ulum, ajal al-ulum, la plus noble des sciences, c'est celle du tafsir. Car c'est par elle que l'on comprend le Coran dans tous les domaines de la religion. Et c'est le but, justement. Tout ce qu'on voit comme kutub, grande makayatib, les kutub de ilm, c'est quoi le but? D'arriver à comprendre le Coran et la sunna. Pourquoi l'appliquer? Donc, d'où le grand mérite de ceux qui l'étudient. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مَجْتَمَعَكُمْ مِنْ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Il a dit que tu n'auras pas vu des gens se réunir dans les masajides, les maisons d'Allah, lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et qu'ils soient recouverts de la miséricorde et qu'ils sont entourés par les anges et que Allah les cite à ceux qui sont auprès de lui. Allah cite ces gens-là. Pourquoi? Leur étude du livre d'Allah Azzawajal en groupe, dans les masajides. Combien de hadiths indiquent la rahma qu'obtiennent ceux qui se consacrent à ce livre? Si le Coran est récité, alors gardez le silence et écoutez-le afin que vous soyez fait miséricorde. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Il a dit quoi? Lisez le Coran, car يوم القيامة il va venir en tant qu'intercesseur pour ceux qui l'auront lu. Rawahu Muslim. Le Coran va intercéder pour toi, mais pour qui? Si es-tu de ceux qui l'auront lu et qui l'auront appliqué également, sans même compter le mérite de ceux qui font l'effort d'en mémoriser autant qu'ils peuvent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a approuvé l'envie que dans deux catégories de personnes, en ce bas monde. قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار متفق عليه. Qu'il a dit, nulle jalousie. Et la source de jalousie, c'était ribta, c'est-à-dire l'envie. Sauf dans deux choses. Deux personnes. Un homme à qui Allah a donné le Coran, c'est-à-dire qu'il le connaît. Et qu'il le récite nuit et jour. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent et qu'il le dépense nuit et jour, mais dans le bien. Tout cela, ma huwa illi fi maslahatina yawm al-qiyamah. Cela n'est qu'un autre avantage. Yani fi dunya wa yawm al-qiyamah. En ce bas monde. Et le jour de la résurrection. An an-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yu'ta yawm al-qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih fi ad-dunya fataqdumu surat al-Baqarah wa al-Imran tuhajjan an sahibihima. Que yawm al-qiyamah, on viendra avec le Qur'an et ceux qui l'ont appliqué en ce bas monde. Et ils seront devancés par Surat al-Baqara et Surat al-Imran qui viendront pour témoigner en la faveur de celui qu'ils auront mémorisé. Naam, les surat auront une forme, quelque chose qui sera visible et qui vont témoigner pour qui les aura mémorisés, mais bien sûr qui auront également appliqué. Wa Abdullah ibn Amr an an-Nabi alayhi salatu wa salam qal yuqalu ya'ni sahib al-Qur'an ikra وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو تقرأ بها. Le Nabi صلى الله عليه وسلم dira qu'il sera dit à la personne dans le Jannah de lire du Coran, récite comme tu le faisais dans ta vie, dans la dunya, car ton niveau au Jannah s'arrêtera au dernier verset que tu auras connu, que tu récitais. Donc plus tu récites le Coran, plus tu le mémorises et plus tu seras élevé au Jannah. Fa laysa fihi ila al-khayl lana. Laysa fihi ila khayl lana. Sans compter la guidée et la clairvoyance et le bien-être en ce bas monde qui seront ajoutés. Donc on finira en citant un hadith qui ne peut que nous motiver et inciter et encore plus nous faire nous accrocher à ce livre al-Karim. Ja'a fi sunan an Anas ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وإن أهل القرآن أهل الله وخاصته. Que Allah, certes, il a des gens qui lui sont propres et particuliers. Qui sont-ils? Ce sont les gens du Coran. Les gens du Coran, ceux qui le lisent, ceux qui le mémorisent, et surtout, surtout, ceux qui l'appliquent. Et ça, c'est une chose que les sahaba avaient compris. Très bien. Hum khairun nas. Limaza. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma ishtadda ani wajhuhu qala utuni bi kitab aktub lakum kitaban la tadhillu ba'dah. Faqala Umar radiyallahu anhu inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam gharabahu al-waja' wa 'indana kitabullah hasbuna. عندنا كتاب الله حسبنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, lorsqu'il subissait les affres de la mort, il a dit: apportez-moi un support afin que j'écrive, c'est-à-dire que je fasse écrire pour vous ce par quoi vous ne pourrez jamais vous guider après moi. Et Omar lui a dit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à cause des souffrances de la maladie, donc ce n'est pas la peine de faire cela. Il a dit quoi? Car nous avons le livre d'Allah et cela nous suffit. Cela nous suffit. Non pas qu'il a voulu désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cela par compassion pour nous. Et en réalité, ce qui nous permet de ne pas nous perdre par la suite, c'est le Coran. Donc ne le fatiguez pas à faire écrire ou à dicter quoi que ce soit. Ce qu'il nous faut, ce qui nous suffit est présent déjà. Le Coran. Naam, hadha wa alladhi aradna نتذكر به في هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.